donc un peu les filles. Allez, on va arriver ! Si vous cherchez la bagarre, regardez-moi bien en face. Elle s'imagine que je lui dois tout. Une femme est aimée dans mes bras. On a tous quelque chose en nous de Tennessee. Allez, tout le monde autour de moi. C'est Eric, bienvenue ici sur Antenne de RIG pour écouter l'émission, la fameuse émission Johnny de A à Z tous les mercredis de 22h à minuit ici sur RIG et sur le 90.7 sur Bordeaux et le RIGFM.fr si vous écoutez via internet. On retrouve toujours aussi les podcasts de cette émission johnnyaz.lepodcast.fr pour retrouver près de 150 émissions de Johnny de A à Z en podcast et vous pouvez l'écouter évidemment où vous voulez, à la maison, dans la voiture, partout. Bienvenue à toutes et à tous. Je suis très heureux de vous accueillir pour cette 508e émission Johnny de A à Z. Et pour ce soir, je vous ai concocté un petit album de la semaine. En plus, nous sommes en janvier et cet album est sorti le 30 janvier 1981. C'est l'album En pièces détachées. Les débuts d'année 1981 se poursuivent pour Johnny dans un contexte maussade. Une rumeur malsaine court sur la mort de Johnny Hallyday, alors que ce dernier se repose dans la villa californienne de Richard Anthony. Le mardi 13 janvier 1981, l'agence France Presse publie cette dépêche. Johnny Hallyday est décédé au petit matin dans une chambre de l'hôpital franco-musulman Avicenne de Bobigny, au sein du service du professeur Israël, des suites d'un foudroyant cancer de la gorge. Fake news, dirait-on aujourd'hui. Le crooner se trémoussait à Los Angeles avec Betsy, sa fiancée de l'époque. En effet, Johnny répète en ce début janvier à Los Angeles sa prochaine tournée très rock de 34 dates avec de nouveaux musiciens, le Night Rider Band. Et le 30 janvier sortira son nouvel album En pièces détachées. Brinque-ballé par une vie sentimentale chaotique, conséquente d'un blues accablant, Johnny a enregistré ses nouvelles chansons de façon sporadique entre le 6 octobre et le 23 décembre 1980, multipliant les allers-retours entre Paris au studio du Palais des Congrès et à Londres, au studio Factory, ce qui justifie le nom attribué à l'album réalisé par Eddie Vartan, En pièces détachées. Premier titre de cet album de la semaine, c'est évidemment le titre La reprise, que Johnny Hallyday, du moins Michel Mallory, a refait des textes, des paroles sur le titre de Bob Seger's Brave Strangers, qui devient en français sur l'album En pièces détachées, Deux étrangers. Bonne écoute à toutes et à tous, vous écoutez Johnny de A à Z. briser nos corps. Jusqu'à en briser nos corps. Je voudrais te faire crier. Je voudrais te faire crier. Hallyday by Hallyday. Envoie-moi la musique. Quand je suis arrivé dans ta ville, je n'ai vu que toi dans la nuit noire. Je t'ai cherché dans toute la ville, cherchant ton visage dans le noir. Oh, Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Johnny Hallyday, le 31 janvier 1981, Johnny vient sur les plateaux du JT d'Antenne 2 pour commenter l'actualité, son actualité, et aussi pour démentir la rumeur sur sa mort. Mardi 13 janvier 1981, la nouvelle tombe comme un couperet dans une France en état de choc. Johnny Hallyday serait mort à 37 ans des suites d'un cancer foudroyant de la gorge. C'est l'agence France Presse qui avait annoncé la mort de Johnny d'un cancer foudroyant de la gorge à l'hôpital à Vicennes. En réalité, Johnny est en train de faire la fête à Los Angeles avec sa fiancée de l'époque, Betsy Farley. Mais la rumeur est si tenace que le rocker se voit contraint d'aller démentir l'information au journal télévisé. À plusieurs reprises, on l'a dit fini, on l'a dit au bord du suicide, on l'a même enterré il y a quelques jours. La première question qu'on a envie de vous poser, Johnny, c'est comment ça va ? Moi ? Ni mort, ni malade. Non, moi je vais bien, moi. Ceux qui veulent m'enterrer, ben ils en sont pour leurs frais. Qu'est-ce que vous avez pensé de ce canular dont vous avez été l'objet ? Ça doit pas être forcément très drôle. Non, je trouve pas ça très très drôle, personnellement, de jouer sur la vie des gens, c'est un peu sordide. S'il y a des... Je crois qu'ils n'ont pas grand-chose à faire dans la vie, les gens qui lancent des canulars pareils. Moi, personnellement, c'est une chose qui ne me viendrait pas à l'idée. À l'idée. Voilà, très bien, voilà une belle pirouette pour retomber sur vos pieds. Nous, on ne vous a pas encore enterré. En fait, c'était un malade qui s'appelait Smet, comme lui, qui était décédé. Et le 2 février, coup d'envoi de la tournée d'hiver 81 jusqu'au 23 mars à Paris à l'Hippodrome de Pantin. L'échec commercial de son album n'a aucune incidence sur la grande tournée de Johnny qui propose un spectacle très rock emmené par un nouveau groupe, le Night Rider Band. Tout de cuir vêtu, affublé d'un chapeau de cow-boy, Johnny annonce la couleur d'entrée avec l'offensif guerre sous le feu de la mitraille stroboscopique. Yeah! qu'un truc à vous dire. Au revoir, baba, loubaba, la bim boum. Johnny et les années 80. Tellement belles qui vous attendent sagement dans leur lit. Dire qu'il y a des hommes et qui dorment et qui rêvent tranquillement leur vie. Car il l'heure qu'il est, l'homme n'est sûrement pas fait pour échanger sa veille contre la lumière du soleil. Ces maudites machines s'arrêtent jamais. Et les ponts et les routes qu'on construit, et ce long, long tunnel ressemble à nos vies. Il fait noir dedans et on ne sait jamais où et comment ça finit. Équipe de nuit, ces maudites machines nous volent nos vies. Ne dis pas que c'est une chance d'avoir été pris. Je tape sur la pierre comme un abruti. Mais dis-moi par où est la sortie. Y'a des plages sans nuages et de l'amour dans les vagues à Tahiti. Dire qu'il y a des grands casinos, des petits pompons de croco qui gagnent des grosses parties. T'as vu l'heure qu'il est, nos enfants grandiront sans qu'on sache s'ils nous ressemblent ou non. Ces maudites machines s'arrêtent jamais. Et les ponts et les routes qu'on construit, et ces longs, longs tunnels ressemblent à nos vies. Il fait noir dedans et on ne sait jamais où et comment ça finit. Johnny Hallyday en 1985 sur l'album Rock'n'Roll Attitude. Revenons à l'album de la semaine qui est en pièce détachée, sorti le 30 janvier 1981. Et cet album sonne rock graisseux à l'image de sa pochette en noir et blanc, présentant sous l'objectif de Jean-Baptiste Modino, le photographe et le publiciste le plus en vogue de ce début de décennie. Un Johnny est représenté taché de cambouis dans un atelier de moto. Ce bel emballage ne suffit point cependant à sauver un produit de qualité inégale dont la postérité ne retiendra qu'un titre encore adapté de Bob Seger, Brave Strangers, Deux étrangers. On peut parler ici d'un album concept où l'on tourne en spirale autour d'un même thème, celui du désespoir qui fait suite à un chagrin d'amour et les différentes échappatoires pour l'étourdir, pour tenter d'en guérir. Les textes d'inspiration sont plus ou moins biographiques et sont majoritairement l'œuvre de Michel Mallory. Le prochain titre que je propose d'écouter, c'est le premier et même le seul single qui est sorti de cet album-là, c'est Chez Madame Lolita qui était sorti le 6 décembre 1980 et qui est extrait donc de l'album de la semaine. J'irai dans la ville basse, chez Madame Lolita. J'offrirai le champagne à ses filles.

chaque jour. Sans elle, je suis toujours le chanteur sans amour. Je la cherche chaque nuit, chaque jour. Sans elle, je suis toujours le chanteur sans amour. Le chanteur sans amour, extrait d'album à partir de maintenant, du 1980, une composition de Michel Mallory et de Johnny Hallyday. Bien entendu. Johnny et les années 60. Et par ici. Pour moi, la vie va commencer en revenant dans ce pays. Amis, mes parents avaient gardé mon cœur d'enfant. Pour moi, la vie va commencer et mon passé sort de l'oubli, foulant le sol de ma prairie. Je rechante avec mes amis. Pour moi, la vie va commencer. Pour moi, la vie va commencer. Je peux voir descendre la nuit sans avoir peur d'être surpris. Tandis qu'au loin, comme un troupeau, passent les ombres des chevaux. Pour moi, la vie va commencer. Et sous le ciel de ce pays, sans jamais connaître l'ennui, les années passeront sans bruit entre le ciel et mes amis. Pour moi, la vie va commencer. Pour moi, la vie va commencer. Pour moi, la vie va commencer. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On trouve tout Johnny Hallyday en 1981. Avec ce titre, excusez-moi de chanter toujours du rock'n'roll, extrait de l'album de la semaine. Il y a un certain Mort Schumann qui est passé par là. Excusez-moi de ne pas être américain. De chanter toujours du rock'n'roll. Y'a pas que l'Amérique qui fait de la musique. Mais c'est mon premier sentiment patriotique. Pardonnez-moi encore de chanter toujours du rock'n'roll. J'suis un vaquer maudit. J'ai la honte d'être né. Blue. chanter toujours du rock and roll. Pardonnez-moi encore de chanter toujours du rock. Avec une nouvelle orchestration par rapport à l'album initial. Excusez-moi, chantez toujours du rock'n'roll, était sorti aussi en 45 tours en avril 1981. Et si on revenait un peu sur cette dépêche de l'agence France Presse qui déclarait John Hallyday décédé. Le journal Libération avait mené une petite enquête et avait fait paraître leur article le 16 janvier 1981. Je vous lis ça. Pouf, John Hallyday n'est pas mort. Pour la deuxième fois, en moins d'un mois, le bruit a couru toutes les rédactions de presse. Cette fois-ci, on affirmait même froidement qu'une autopsie avait été pratiquée sur le cadavre du chanteur. Cette macabre histoire ressemblait comme une goutte d'eau à celle diffusée par téléphone à quelques salles de rédaction de la veille de Noël. Mais cette fois-ci, nous avions tout lieu de prendre les choses au sérieux. La très officielle agence France Presse indiquait que la fuite venait d'un service officiel généralement bien informé. Et ce dernier annonçait avec une précision déconcertante que la mort du chanteur avait pour cadre l'hôpital Avicenne de Bobigny dans la Seine-Saint-Denis. Et de citer pour plus de précision encore le nom des professeurs ayant eu à connaître des troubles de Johnny. Deux heures après, le mystérieux service officiel démentait l'information. Après enquête, nous découvrions deux choses. Tout d'abord, que la rumeur venait bien d'un service officiel et ensuite qu'il s'agissait tout simplement du parquet du tribunal de Bobigny, habituellement un peu enclin à plaisanterie. Des magistrats de ce tribunal interrogés déclaraient « Oui, cette rumeur est partie du parquet du tribunal. Pour eux, c'était un canular de potache. Il a pris de l'ampleur, chacun croyant devoir en rajouter. » Joindre Johnny Hallyday à Los Angeles, ou du moins l'un de ses proches, n'est pas chose facile. Richard Antonet, chez qui il vivait, vient de déménager et un autre numéro fourni par les renseignements s'avère être une simple boutique de musique. Et finalement, on obtient l'adresse d'Alan, son ami de toujours. Réveillé à cause du décalage horaire, il confirme l'excellent état de santé de Johnny Hallyday et se déclare scandalisé par cette nouvelle rumeur, par la qualité de ses auteurs, et nous informe que le chanteur saisissait son avocat. Une heure après, le téléphone sonne chez Hallyday. Il dort encore, explique une américaine, mais il vous rappelle dans une heure sans faute. Johnny ne rappelle pas. Alors, on le fait à 21h15. À Los Angeles, il est 12h15. Et Johnny dort encore. Une amie va le chercher, quelques minutes d'attente, et le chanteur est enfin au bout du fil. Il n'y a pas de doute, c'est bien Hallyday qui parle d'une voix très nette. On lui révèle la source de la plaisanterie, et il répond « Je trouve cela honteux de la part de gens qui ont d'aussi importantes fonctions. C'est complètement stupide, je ne trouve pas cela amusant, et je prends contact immédiatement avec mon avocat, qui donnera les suites que nous jugerons nécessaires dans cette affaire. » Sachez que Johnny Hallyday termine son séjour chez les Anthony, sous le soleil californien, qu'il doit nous revenir dans quelques semaines avec un nouveau disque et un nouveau tour de chant. Et on revient à l'album de la semaine. Et juste avant, on va écouter John Hallyday sur le plateau de Antenne 2 lors du JT le 30 janvier 1981. On va écouter quelques minutes de Johnny qui parle de son actualité de 1981, bien sûr. Johnny, on va en venir à votre carrière. Mais tout de même, avant, je voudrais vous poser une dernière question sur l'actualité. Est-ce que une idole, entre guillemets, comme vous, parce que c'est toujours le nom qu'on vous a donné. Vous n'êtes pas simplement un chanteur, mais vous êtes pour un certain nombre de Français et de personnes dans le monde une idole de la chanson. Est-ce qu'une idole, ça vit en lisant les journaux ou ça ne s'intéresse plus à rien qu'à lui-même? Oh, heureusement pour moi, je m'intéresse à plein on d'autres s'en choses est aperçu. À moi-même, quand même, non. Disons que j'essaye de faire mon métier le mieux possible. Et vivre normalement. Et que disons que ça me prend beaucoup de temps, quand même. Vivre normalement, disons que j'essaye de prendre le temps un certain nombre de mois par an pour essayer de vivre, disons, comme un homme à peu près normal. J'essaye de vivre avec Jean-Philippe Spaeth et pas tout le temps avec Johnny Hallyday. Bien, Johnny Hallyday, on va vous voir là sur ces images que nous avons filmées hier en train de répéter votre nouveau spectacle que vous allez entreprendre à partir de quand? À partir du 2, c'est-à-dire lundi, à travers toute la France. Et il y a des choses très nouvelles dans ce spectacle? C'est-à-dire que j'ai changé tout à fait la conception de ce que je faisais avant. C'est-à-dire qu'avant, je faisais une première partie et une deuxième partie. Et que je chantais des chansons, disons, et commerciales et du rock'n'roll. Alors que là, cette fois-ci, j'ai engagé un orchestre américain pour... Pour chanter comme Reagan? Non. Parce que là, je vois avec le chapeau, là. Oui. Non, pour faire... à peu près 25 chansons, une heure et demie sans interruption, c'est-à-dire sans entracte, et uniquement basé sur le rock and roll. Je peux dire uniquement basé sur le rock and roll parce que il y a à peu près uniquement trois slows dans sur les 20 chansons qu'on chante. Vous êtes certainement un des chanteurs qui fait le plus de tournées. Vous êtes sans arrêt en tournée. Est-ce que c'est vraiment une nécessité pour vous de faire la scène ou est-ce que vous pourriez pas vous reposer en faisant des disques tout simplement qui se vendent bien et qui rapportent beaucoup d'argent? Bon, d'abord, je dois dire qu'une chose, c'est qu'une grande partie du Médic sont bons impôts. Non, enfin, je veux dire, c'est pas, non, mais je veux dire, ça veut dire qu'on gagne beaucoup d'argent. Non, mais je veux dire, c'est pas la question, je veux dire, importante. Je fais surtout pas mal de tournées parce que j'aime bien la scène. Pour être très honnête, je préfère chanter sur une scène que de chanter derrière un micro dans un studio. Ça vous plaît bien? C'est le contact avec le public qui fait Johnny Hallyday? C'est le contact avec le public et c'est le contact avec les musiciens. Alors, également. J'en viens à la question tout à l'heure. Est-ce que c'est pas ce contact avec le public qui fait la différence entre un chanteur et une idole? Si un chanteur se contente de chanter derrière son micro, comme le font certains grands chanteurs, mais ne va pas au contact du public, est-ce qu'il peut avoir ce contact et cette fidélité du public à votre égard? Parce que s'il y a un personnage qui n'a pas connu ni de haut ni de bas depuis 20 ans, c'est bien vous. Je crois que, ensuite, j'ai connu des bas comme tout le monde, il ne faut pas exagérer. Pas très bas. Mais disons que c'est l'idée qu'on s'en fait dans la tête surtout. Bon. Mais disons que je crois que quand on est fidèle à son public, je crois que le public vous le rend bien. Alors on va écouter plutôt une de ces nouvelles chansons que vous avez préparées pour cette tournée. C'est une chanson qui s'appelle, si le titre est exact, vous allez me le dire, Johnny, c'est Deux étrangers, c'est ça? C'est un rock, ça? Oui, ça fait partie des rock'n'roll. C'est plus un document. C'est un document parce qu'il faut quand même dire c'est que c'est en répétition que ça n'est pas très bon. Mais tout de même, c'est tout de même une avant-première du spectacle de Johnny Hallyday. À peu près tout le monde, sauf Johnny Hallyday, mais voilà ce que c'est qu'une exclusivité. Johnny, est-ce que vous avez envisagé à un moment donné de chanter autre chose que du rock? Non, pas vraiment. Enfin oui, des chansons que j'aime bien, par exemple, comme reprendre des chansons de Jacques Brel. J'aurais bien aimé reprendre des chansons de Jacques Brel de son vivant, maintenant ça me gênerait par pudeur de le faire. Quelle chanson par exemple? Ce plat pays, je veux dire, c'est ces gens-là, monsieur. Il y a plein de chansons, enfin j'aime pour ainsi dire tout le répertoire de Brel. Pour moi, Brel c'était un grand monsieur de la chanson française. Ça aurait pu faire un très bien. La chanson française, il était belge, bon aussi, mais oui. Il faisait partie de la chanson française. Bien. Retour à l'album de la semaine avec le prochain titre, Lady Divine, qui aurait dû s'appeler. En principe, Lady Cocaïne, mais l'entourage n'a pas voulu. Ouais. Tu peux tout effacer, tu me prends à tes lignes. écoutez Érigé et l'émission Johnny 2 à Z tous les mercredis de 22h jusqu'à minuit. À présent, on va écouter le titre phare de cet album En pièces détachées. C'est le titre Deux étrangers. Vous allez me dire encore? Oui, mais non, d'une autre façon, dans la rubrique Duo Impossible. La semaine dernière, je vous avais écouté le duo impossible Johnny Hallyday et Gilbert Bécaud sur le titre Et maintenant. Et là, je vais vous faire écouter le duo, le nouveau montage du duo Bob Seger et Johnny Hallyday sur le titre Brave Strangers, Johnny qui chante en anglais. Speaking. disappearing in the night. Saw each other a few times after, but we never really got it right. We were lovers, just plain strangers, as we roll and we tumble through the night. We were players, not a ranger, and we jammed. Bon, d'accord, c'est rentré. Johnny et les années 90. Les filles me disaient oui, les banques aussi. La vie me souriait, la mort aussi. Je roulais chaque jour plus vite que mon ange gardien ne vole. Lui et moi aujourd'hui, on est quitte, on connaît nos limites. Nos limites, c'est nos limites. Les soldats font la guerre, la paix aussi. Les amants font l'amour et la guerre aussi. C'est toujours toi que tu cherches, oh, c'est toujours toi que tu trouves, toujours toi que tu quittes, et de chacun de nous ressuscite. Oh, la limite, oh, nos limites, comme les rêves qui surgissent de nos lits. Que tu cherches. Johnny et les années 2000. Le matin, quand j'écoute les news, la mort se vend par paquet de 12 et ça me file le blues. Ça me prend la tête comme une picouse. Je voudrais que ça change, je voudrais que ça bouge et ça me file le blues. J'ai pas dit que j'allais changer le monde. Quand je pense aux gosses, je pense aux bombes. Tout ça c'est juste histoire de flouze et ça me file le blues. J'ai pas dit que ce serait mieux ailleurs, qu'il y aurait une terre où on n'a pas peur. M'en veuillez pas si moi je vois rouge et ça me file le blues. Y'a trop de méchants qui approuvent que la connerie fasse toujours la cour et ça me file le blues. Y'a trop de marchands de partout et pas une vraie fleur sur la pelouse et ça me file le blues. Je voulais changer le monde, pas faire de croche-pied à la ronde. Et quand j'ouvre vraiment les yeux, je suis pas heureux. Je vais pas défiler pour le prix de ma place au chaud au paradis. Il y a des matins, je peux pas être cool et ça me file le blues. Son épouse et ça me file le blues. J'ai pas dit que ce serait mieux ailleurs, qu'il y aurait une terre où on n'a pas peur. M'en veuillez pas si moi je vois rouge et ça me file le blues. Le matin quand j'écoute les news, la mort se vend par paquet de 12 et ça me file le blues. Ça me file le blues. Un des deux titres bonus de l'album Le cœur d'un homme.

ce que j'ai fait. C'est tout pour aujourd'hui. Allez, salut maintenant. On revient à l'album de la semaine et qui est un peu détaché, sorti le 30 janvier 1981. Et le prochain titre que je vous propose d'écouter, c'est une chanson donc de Pierrot Nassabal, malheureux compositeur de Ma Gueule, qui est à l'origine de cette musique, et Didier Barbelivien, qui fait à Johnny s'adresser avec mépris à un monsieur Paul, plutôt homme politique que collègue. Et d'avoir du public. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. On va retrouver Johnny Hallyday dans quelques secondes en live. Et pour vous dire un peu que cette tournée d'hiver 1981, ce concert, le concert du 6 février au Forest National à Bruxelles, fera l'objet d'une captation pour la télévision et sera diffusé sur Antenne 2 le 19 août 1981. Les caméras de la télévision luxembourgeoise filment à leur tour le concert donné à Pétange le 10 février. Et donc le double album Live 81 est publié en avril, constitué de différentes captations les 6 et 7 mars à Chartres et Évreux et le 23 mars à l'hippodrome de Pantin. 19 titres sur les 22 de la tournée seront retenus, évidemment. En effet, des titres ayant été supprimés en cours de la tournée, comme les titres Frankie and Johnny, I Got a Woman, Blue Suede Shoes, qui étaient chantés début février, qui ont été après retirés. On va écouter un morceau donc du Bruxelles du Forest National du 6 février, avec le titre I Got a Woman. Ouais, ouais, on a ça. On a ça ici sur Antenne AG dans l'émission Johnny de A à Z. Ouais, tout à fait, on écoute ça de suite. Simplement, j'ai une question pour vous. Vous voulez que ça continue ? Eh bien alors, juste après la pub. Hallyday by Hallyday. Johnny et la publicité. Ouais, c'est sérieux. C'était bon pour toi, Gilbert. Ok. Mieux que tout à l'heure. Parce qu'il faut bien que tu comprennes, Johnny, c'est que là, t'es dans une boîte, tu comprends, tu t'emmerdes et tout, etc. Et puis il y a une fille qui est... une fille qui symbolise, si tu veux, Ultra Bright. Qu'est-ce que c'est qu'Ultra Bright? C'est les dents, c'est le sourire, c'est l'ascendant qu'une fille peut avoir sur les hommes. Ce qu'on vend, finalement... Wow. Oui, c'est un peu ça, si tu veux. Ce qu'on vend, c'est l'idée de la séduction par une fille grâce à ses dents. Bon, bon. Et ses dents, c'est ultra bright, c'est le goût sauvage. C'est dégueulasse, cette fille, c'est une salope. Et finalement, elle est belle comme c'est pas possible d'être belle. Petit à petit, tu te laisses séduire, Johnny, elle est fantastique. Regarde, c'est ultra bright, c'est la fille ultra bright, elle est fantastique, elle est belle. Avec sa rose, Johnny, petit à petit, tu fonds. Elle est belle, elle te plaît. T'es amoureux. Tu souris, Johnny. Ok, tu te détends, elle est belle. La rose, elle est tac. Et il faut que ça fume, là. Tout le monde une cigarette. Pour faire cette ambiance de boîte, là, et tout, que ça soit bien fumé. Oui, avec cette insolence dans le regard. Et tout. Ça, c'est bon, ça. Okay. Pas trop souriant, hein, tu vois. Un petit peu, mais... Vraiment, t'es tellement extraordinaire, tellement naturel pour toi. Tu as l'habitude de le mépriser, mais il est beau quand même, Romain. Hein. Voilà, tu me regardes comme ça. Elle a pas les yeux trop fermés, Pierre, là. C'est Gilbert. Tu vois, voilà. Il a un goût très, très fort. Et moi, je sais que la première fois j'ai utilisé le matin, mais c'était... Je me suis reculé en arrière, j'ai posé un cri parce qu'il est vraiment très fort. Il est sauvage. Voilà son nom. Je sais pas ce que c'est. Qu'est-ce que j'en vois tout le temps dans tous les films, c'est quoi? Le ouh, c'est que c'est lorsque l'on utilise ce dentifrice, les gars qui se frottent les dents avec ça, tout à coup, ils se reculent. Waouh! Il pose un cri de... Le waouh! Le waouh! Waouh! Enfin, là, c'est... Là, dans ce film-là, c'est pas ça. Là, c'est la blanchœur qui donne la séduction. Et pour les jeunes, tu vois, pour les gens qui sont vraiment dans le coup, quoi. Écoute, Johnny, c'est sérieux, ça? Ouais, non, j'écoute, non. Je suis pas de vos questions. Quand ta rose est un peu trop dans le coin, là, je crois. Voilà. Ok. Formidable. Ouais, très bien. Ok, formidable. Ok, cool. Bon, maintenant, on va essayer de continuer. Un peu de musique. Ça me travaille, je suis un vrai champ de bataille. J'apprends la vie à l'envers, sur une imitation Fender. Qu'est-ce que je vais de l'avenir, est-ce que je vais devenir au café de l'avenir? Et je trinque au temps présent sur le zinc de mes 20 ans, où tu suis le chemin tracé. Tu te fais jeter. Le compte en banque à zéro. Va falloir trouver du boulot. Qu'est-ce que je vais devenir au café de l'avenir? Qu'est-ce que je vais devenir au café de l'avenir? L'amour croisent ma route. Je les voudrais toutes. Je la joue romantique ou perdant magnifique. La fin était plus classique. Je vais devenir, qu'a fait de l'avenir. Qu'est-ce que je vais devenir, qu'a fait de l'avenir. Du bas, je regarde la rue, je me suis mis minable pour avoir l'air respectable. Dans les valises sous les yeux, une lettre commandée. Mon vieux 50 ans passé, si j'en vois tout chier, assis sur mes convictions, je reste comme un con. Je me suis pas vu vieillir, j'ai pas vu le tout venir. Le temps d'un dernier hiver, on va bientôt fermer. Je me prépare à partir. Mais on venait juste de commencer. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. En tout, Johnny Hallyday et avec en duo Bill Doren. Et le titre, Il faut que je me tire ailleurs. Cet extrait de l'émission qui était diffusé sur Antenne 2 le 13 juillet 1981. Il y a des jours comme ça, c'est pas la frite. Il y a comme un voile dans l'air qui fait que tout est gris. Ça devrait pas se plus vite. C'est pas une figure pour la claustrophobie. Encore trois plombes à tirer. Un spirou qui me sort par les trous de nez. Il faut que je me tire ailleurs. Il faut que je me tire ailleurs. C'est pas le vide. Mais toujours enfermé. Enfermé. Il faut que je me tire ailleurs. Tire ailleurs dans un avion qui n'est pas en papier. Bien sûr, ce soir je vais sortir ma petite. Comme d'habitude, on ira au ciné. Sûrement pour voir quelque chose d'insolite. Insolite au moins, ça change les idées. Et l'idée est finie, on retombe dans la réalité.

Il faut grandir encore, John Hallyday, en 1966. On vient d'écouter quelques secondes, quand la nuit crie au secours, la version de John Hallyday sur l'album En pis détaché. Mais on va écouter, c'est une tradition. Moi, j'aime bien écouter cette chanson-là. En plus, on va l'écouter par le chanteur d'époque du groupe The Babies, John Waite, qui a quitté entre-temps le groupe The Babies. Il a interprété une fois sur scène, ou même plusieurs fois, hein, parce que donc lui continue à chanter. Et j'aime bien cette version qui balance bien, qui est bien rock. Every time I think of you, it always turns out good. Every time I've held you, I thought you understood. Knowing how our love would go. How our love would go. But I wasn't around. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Un nouveau titre en live, Johnny Hallyday en 1981, et qui est extrait aussi également de l'album de la semaine en plus détaché. Voici Je peux te faire l'amour. Y'a des gars de la vie, tu n'as trouvé que moi. Tu n'as pas fait le bonsoir. Du violon pour les filles, y'a longtemps que j'en joue pas. Faut pas compter sur moi. Tu veux du romantique et du sentimental. Tu ne peux pas tomber plus mal. C'est pas très poétique de te le dire comme ça. J'ai seulement envie de toi. Et tant pis si tu préfères t'en aller. Je ne peux pas lui te dire que je vais t'aimer. Mais je veux te faire l'amour. L'amour n'a que pour l'amour. Mais je veux te faire l'amour. Quand tu sais que tu as pas l'amour. J'ai pas un peu de fleurs, je ne pas prêter mon cœur, même à une fille qui pleure. Elle était comme toi, celle qui m'a pris un jour, le qui me restait d'amour. Y'a des gars pour la vie, et tu tombes sur moi, la chance est contre toi. C'est pas comme dans tes rêves ou comme au cinéma, j'ai seulement envie de toi. Et tant pis si tu préfères t'en aller. Je ne veux pas te dire que je vais t'aimer. Et je peux te faire l'amour. L'amour est tout pour l'amour. Et je peux te faire l'amour. Quand tu serais pas l'amour. Retrouver Johnny Hallyday et l'album de la semaine, on va écouter Johnny Hallyday lors de ce JT d'Antenne 2, c'était le 30 janvier 1981. Cette image de voyou, Johnny Hallyday, vous l'avez eu quand même pendant un moment? Oh, vous l'avez travaillé? Oh, ben, je l'ai travaillé comme tous les acteurs travaillent un rôle. Non, ben disons que c'est pas vraiment de la violence, disons que je suis dans un quartier, disons que j'ai commencé quand même assez jeune et que j'étais plus ou moins un blouson noir quand j'ai commencé à chanter. Et puis que mes héros c'était quand même James Dean et compagnie, donc j'étais quand même assez influencé par disons les héros mal compris de notre époque. Est-ce que vous avez, brisé la délinquance? Est-ce que vous auriez pu mal tourner, Johnny? C'est possible, oui. Si j'avais pas eu la chanson, si j'avais pas eu quelque chose à me rattacher, j'aurais peut-être mieux mal tourné, car je vivais dans un quartier assez pauvre de Paris, et disons que mes amis de l'époque étaient étaient, disons, des garçons comme moi, et que, disons, que si j'avais pas eu la chance d'avoir l'opportunité de faire ce métier, j'aurais peut-être, c'est pas certain, mais peut-être pu mal tourner. Oui. Denis, vous êtes une personnalité à part dans la chanson française. Vous avez fait une carrière tout à fait spéciale et unique dans son genre. Mais est-ce que si Elvis Presley n'avait pas existé, vous auriez pu, vous, exister? Parce que vous avez, dans le début de votre carrière, fait un petit peu comme Elvis Presley. Vous avez fait votre service militaire, vous avez fait exactement comme lui. C'était aussi une opération commerciale? Oui, non, moi j'ai fait mon service militaire parce qu'à l'époque, il fallait le faire. Et puis que, bon, je vois pas pourquoi moi je l'aurais pas fait alors que les autres garçons de mon âge le faisaient. Je dois quand même dire que je l'ai fait un an en retard, c'est-à-dire que je l'ai fait à 21 ans au lieu de 20 ans, mais ça c'était parce que j'avais des contrats de signer et que l'État a bien voulu me donner un suspens d'un an. Mais je regrette absolument pas d'avoir fait mon service militaire. Je regarde de très bons souvenirs. Je suis devenu très copain par la suite avec mon adjudant, ce qui est rare. Vous voyez tout même. Aujourd'hui. Je le vois de temps en temps, oui, il habite à Reims et je le vois souvent. Cette question m'en amène une autre, Johnny. Votre vie a toujours été presque planifiée. Vous avez fait au début une carrière bien précise avec ce service militaire, les succès des uns des autres. Est-ce que vous avez déjà vécu autre chose que des choses bien prévues et bien planifiées à l'avance, soit par votre impresario, soit par les gens qui s'occupent de vous? Bon, disons qu'une tournée, quand on commence une tournée, évidemment que c'est planifié. Quand on fait une télévision... Mais toute votre carrière, je sens. Oui, la plupart des choses que j'ai faites dans ma vie, qu'elles soient bonnes ou qu'elles soient mauvaises, en général, ça a toujours été par instinct. C'est par exemple, c'est la même chose, de la même façon, quand je vais sur scène, je répète pas vraiment, assidûment, tous les moments du tour de chant. Je le fais surtout... par moment, par instinct, et puis bon, un soir je chanterai d'une chanson d'une certaine façon, et puis le lendemain complètement différemment. Justement, il y a un exemple, Johnny, c'est cette émission qu'on est en train de faire, elle n'était pas planifiée, on l'a décidé. Non, elle n'était pas planifiée du tout. Ouais. Alors justement, il y a pas d'impressario. Est-ce que vous ne pensez pas, Johnny, que c'est cet instinct, c'est le fait que vous ne calculiez pas, par exemple en scène, on vous voit terminer souvent très fatigué, trempé, en sueur, comme beaucoup d'autres chanteurs, mais peut-être plus que d'autres chanteurs. Est-ce que vous ne croyez pas que c'est le fait que vous donniez complètement, voilà, au service militaire, là, voilà, les bons souvenirs reviennent? Est-ce que c'est pas cela que le public apprécie peut-être? Parce que vous ne calculez pas lorsque vous êtes en... Non, je calcule pas, non. C'est-à-dire que je peux très bien chanter une heure comme je peux très bien chanter deux heures, ça dépend des... Je veux dire, il y a une espèce de communion quand même entre moi et le public. Et je veux dire, pour moi c'est très important d'avoir cette entente. Johnny, tout à l'heure on a commencé l'émission en disant que vous n'étiez pas mort ni malade. Comment, Dieu merci, vous êtes resté avec nous pendant 50 minutes. Comment voyez-vous votre avenir? Est-ce que il vous faut terminer vite, parce que je vais peut-être mourir tout de suite. Là. Alors ça, ce que ça appellerait un scoop en matière journalistique. Alors réservez-le nous, mais alors faites ça tout de suite, il nous reste 2 minutes. Bien, la prochaine fois. J'en reviens à ma question. L'avenir, vous voyez chanter jusqu'à quel âge et de quelle façon? Eh bien ça, c'est pas de reconversion. C'est pas prévu. Et j'en sais rien, tant que j'en aurai envie. Le jour où j'en aurai plus envie, eh bien je m'arrêterai et je ferai autre chose. Ou je ferai rien, j'en sais rien. Si je fais rien, je partirai peut-être un jour sur un voilier et je ferai le tour du monde. Mais enfin, c'est pas pour demain. Pour un certain courage. J'ai quand même envie de faire de la scène encore. Bien. Souvent, on parle de vous dans les journaux, scandale, on dit Johnny Hallyday est ruiné, l'autre jour il est riche à millions. Est-ce que c'est exact? Disons que, vous savez, on ne prête que riche. Et que finalement, disons que je vis comme des gens très riches sans argent. Disons que l'argent que je gagne, je dépense. Maintenant, on n'a pas à m'user là-dessus, je veux dire, c'est mon problème. Bien, Johnny Hallyday, je vous remercie d'avoir participé à cette émission. On arrive au terme de cette émission. Christine Martin, vous n'avez pas une dernière question à poser à Johnny? Profitez-en. Son prochain passage à Paris. Voilà. Alors, c'est pas sûr, mais je peux dire que peut-être en 82 au Palais d'Espoir. Ben, je vais vraiment finir par croire que vous êtes mis d'accord avant l'émission. Et puis alors, on peut y aller carrément. Le premier gala de la tournée, c'est quand, Johnny? C'est le 2, c'est-à-dire lundi prochain. La publicité à la télévision. C'est à Nantes. Premier, lundi prochain à Nantes. À Nantes, premier gala. Oui. Bien. 2 mois. Johnny, je vous remercie d'avoir participé à notre émission. Il ne nous reste plus maintenant qu'à vous dire au revoir. Merci d'être venu. Et puis au revoir aussi aux téléspectateurs. Prochain rendez-vous demain, 12h45. Au revoir. Album de la semaine, voici Cette fille-là. pour l'amour. Il n'y a pas de problème, car elle me fait l'amour. Oh oui, l'amour comme j'aime, il n'y a que l'amour qui marche entre elle et moi. Tout s'arrange comme ça. Il n'y a que pour l'amour, il n'y a pas de problème, car elle me fait l'amour. Oui, l'amour comme j'aime, il n'y a que l'amour qui marche entre elle et moi. Tout s'arrange comme ça, avec cette fille-là. Mais qu'est-ce qu'il m'a fait? Les années 80. J'étais à l'envers quand ça arrivait. Je peux te dire un truc, quand le jour s'est tombé en panne, j'avais la tête à l'envers, et je voyais des gens à travers les doigts, et vous voyez, ah, Johnny, j'étais là, je peux rien faire, putain de merde. Retourne chez toi, là-bas où il fait moins froid. Si tu t'en finira jamais. Johnny et les films. Vous êtes là, sans problème et sans tracas. Moi je dois chercher déjà la chanson qui sera dans le hit parade. Avec les cuivres on est bon, faudra-t-il des violons? Elle en pose des questions, la chanson qui sera dans le hit parade. À plaire au public, voilà l'affaire qui parlerait d'un amour désespéré sans retour. La chanson qui sera dans les hit parades. Oh, je me sens très fatigué, mon parolier sans idée. Elle n'est pas enregistrée, la chanson qui sera dans les hit parades. Ils m'ont trouvé un gimmick, des sons très psychédéliques. Alors là on tient le tir. Et voilà mes musiciens qui n'y comprennent plus rien. La voilà dans le pétrin, la chanson qui sera dans les. Des photos pour les journaux et des questions pour la radio. Et vous écoutez bientôt la chanson qui sera dans les hit parades. Si vous l'entendez chanter un peu partout, c'est gagné. Dans les tuk-tuks et les clubs, alors là je tiens le titre. À l'instant, le titre Hit Parade, jeune homme, recèle plusieurs extraits de bandes originales de films, celle de A Tout Casser, celle des Chevaliers du Ciel, et enfin celle du film de Joël Lemoigne, Les Ponettes, ovni cinématographique, oublié de la plupart des encyclopédies du cinéma, uniquement sauvé de l'oubli grâce à la participation de Johnny, tout recouvert d'or. La pochette du IP vaut son pesant d'or, oui. Ça fait tellement de temps que l'on navigue ensemble, ça ne finira jamais. Johnny et les années 70. Elle était seule dans la maison, c'était fin août, début juillet. Depuis 1800 quelque chose, il n'avait pas fait aussi chaud. Le chien dormait vers la rivière, la porte n'était pas fermée. Elle était seule dans la maison, il faisait lourd, il faisait chaud. Elle était seule dans la maison, elle a ouvert, ils ont frappé. Elle n'avait, ce n'est pas un crime qu'une robe entre eux et sa peau. Elle a crié, ils ont frappé. Elle a

Mais les hommes savent très bien ce que toi et moi nous ferons ce soir dans nos draps. Ils ne sont plus petits garçons et ils rêvent tous d'une vie comme toi dans leurs bras. Tes deux seins sous ton maillot comme du joli porte. Tes deux longues cuisses empêchent de dormir les hommes. Oui, quand tu marches dans la rue, les hommes se retournent. Malgré ton jeune âge, ils ont déjà envie de toi. Salut, c'est Johnny. Johnny en live. Pour une dernière fois, vous retrouvez Johnny Hallyday en live en 1981. Ouais, quand ce jour viendra, quand tu partiras, quand ce jour viendra, quand tu me diras que vraiment tu t'en vas, jamais je t'y croirai, car quand ce jour viendra, j'en mourrai, oui. Tu vas tout abandonner, lorsque tu t'es donné, tu vas emporter ton amour, ton argent. J'ai peur que tu te lasses, qu'un jour ton amour passe, que tu partes brusquement. Quand ce jour viendra, quand tu partiras, quand ce jour viendra, quand tu me diras que vraiment tu t'en vas, jamais j'y croirai, car quand ce jour viendra, j'en mourrai. Quand ce jour viendra en 1981. Je vous remercie toutes et tous d'avoir écouté et participé à cette émission Johnny de A à Z. Et n'oubliez pas que vous la retrouvez, cette émission, dès demain ou après-demain, en podcast. johnnyaz.lepodcast.fr. Voilà. Merci encore à tous pour votre visite de ce soir. On se donne rendez-vous la semaine prochaine pour une nouvelle aventure à l'IDL. Bonne nuit à toutes et à tous. À bientôt. Ciao, ciao. Et oui, et ce soir, en fait, c'était l'album de la semaine en plus détaché. À bientôt. Ciao, ciao.